Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 126. Du défaut de crainte, ou de la témérité? Que le défaut de crainte est un péché opposé à la force. 1. Le défaut de crainte est-il un péché? Ce blâme concernant le juge inique, il ne craignait ni Dieu ni les hommes, Luc 18, 2, suffit pour prouver que l'absence de toute crainte est un péché. La nature a gravé dans le cœur de chaque homme, l'amour de sa propre vie et de tous les biens qui s'y rapportent. Nous devons aimer ces choses dans l'ordre voulu par la divine providence, c'est-à-dire, non comme notre fin, mais comme propres à nous y conduire. Ne pas craindre la mort et les autres maux temporels, c'est agir contre l'inclination même de la nature, et de l'un péché, par défaut d'affection pour ce que la nature nous apprend à aimer. Ce manque de crainte peut résulter de deux causes, d'un excès d'orgueil et d'une sorte de folie. D'un excès d'orgueil, comme on le voit dans ceux qui, présumant favorablement d'eux-mêmes, méprisent les autres, selon cette parole, ils en sont venus à ne craindre personne, ils voient tout avec dédain, Job 41, 24, d'un défaut de raison. Ainsi que le remarque le philosophe, qui dit, au sujet des Celtes, ce peuple insensé ne craint rien. Donc, ne rien craindre est une disposition vicieuse qui accuse ou un défaut d'amour, ou un excès d'orgueil, ou une sorte d'aliénation, laquelle excuse du péché quand elle est invincible. Note. L'Esprit Saint, Proverbe 28, 1, a loué le juste de ce qu'il est à l'abri de la crainte qui éloigne les autres de la vertu, mais non pas de ce qu'il n'a aucune sorte de crainte, car l'Écriture dit en un autre endroit, « Celui qui n'a aucune crainte ne saurait être justifié », Ecclésiastique 1, 22, et ailleurs encore, « Le sage craint et s'éloigne du mal », Proverbe 14, 16, ce qui signifie qu'il craint la mort et les autres maux, comme des obstacles au bien qu'il peut faire à soi ou aux autres. Les biens temporels doivent être méprisés en tant qu'ils nous écartent de l'amour et de la crainte de Dieu, et c'est dans ce sens qu'il est écrit, « Celui qui craint le Seigneur ne tremblera pas », Ecclésiastique 34, 14. Mais il ne faut pas les dédaigner en tant qu'ils nous fournissent un secours pour craindre et aimer Dieu. Fin de la note. 2. Le défaut de crainte est-il opposé à la force? Puisque les vertus morales établissent dans nos actions une mesure fixée par la raison, la vertu de la force veut que les hommes redoutent ce qui mérite d'être craint. Et dès lors la véritable mesure de la crainte peut être méconnue par défaut aussi bien que par excès. C'est pourquoi, comme la timidité est opposée à la force par un excès de crainte, ainsi la témérité lui est opposée par un défaut de crainte à l'égard de ce qui est redoutable. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.